Chapitre 26e. La maman de la petite Hélène demeurait tout au bout de la ville, presque dans un faubourg. Sa maison, construite en bois, vaste et nue, appuyée sur des colonnes horriblement fendillées, peintes en jaune avec des couronnes de lauriers en relief peintes en blanc, suivant le style du Premier Empire, était une vilaine maison sans contredit, mais une demeure fort noble en apparence. Un jardin assez vaste, planté de vieux tilleuls, allait jusqu'à la falaise, dominant le Volga et les parterres des remparts. Les visiteurs sonnèrent. Une femme de chambre à corte et fraîche, mais singulièrement accoutrée, vint leur ouvrir. Elle était pieds nus et elle leur rit au nez. « On lave, » dit-elle. « C'est une fantaisie de madame. » En se réveillant de sa sieste il y a une heure, elle a dit qu'elle avait rêvé qu'on lavait les planchers. « Par ici, messieurs. Ne vous mouillez pas les pieds, sautez un peu ici, et vous vous trouverez dans la salle à manger, qui est sèche, en effet. » Pendant cette recommandation singulière, les trois jeunes gens sautèrent l'un après l'autre par-dessus une mare d'eau de savon déjà fort noire et se trouvèrent dans la salle à manger qui était sèche en effet. Madame n'avait pas eu si grand tort de faire laver les planchers, à en juger par celui de la salle à manger, qui depuis la Noël dernière ne devait pas avoir connu la brosse. Nos amis s'entre-regardèrent en souriant, puis le fonctionnaire dit à demi-voix d'un ton indulgent « Drôle de maison, mais bonne musique ». Un pas léger se fit entendre, puis quelqu'un sauta par-dessus la mare d'eau de savon, et la petite Hélène se trouva dans la salle. « Maman va venir, » dit-elle d'une voix douce, sans paraître troublée par son exercice chorégraphique. Son jupon en pesé, encore mal redescendu, laissait voir de jolis petits pieds chaussés de pantoufles communes. Elle avait un ruban bleu dans ses cheveux châtains, et une robe de mousseline blanche à petits pois noirs, pas très propre. Ses traits étaient mignons, trop fins pour être encore bien formés. Ses bras, maigres et enfantins, ses petites mains rouges, ses yeux bruns, grands et un peu tristes, toute sa personne semblait résignée à quelque calamité prochaine. Et évidemment, il était impossible de lui donner un autre nom que celui de la petite Hélène. « C'est à vous que ces messieurs ont affaire, » dit le mélomane, avec un geste gracieux de son coude arrondi vers les deux frères. « À moi ?» fit la jeune fille en regardant d'abord Demian, et puis Victor, et puis décidément Demian qui était plus gentil. « Oui, mademoiselle, » répondit celui-ci, allant droit au but, « je veux donner un concert. On m'assure qu'il y aura un public, mais il n'y a pas d'accompagnateur. »« Je sais, il est à l'hospice, » fit la petite Hélène, en secouant la tête avec compassion. « Précisément. Et si vous vouliez bien m'accompagner, et les autres artistes aussi, vous nous tireriez d'un grand embarras. » Hélène regarda alternativement les trois hommes, ses joues rougir, puis pâlir, puis rougir encore. « Un grand concert ? » dit-elle. « Je l'espère bien, » fit orgueilleusement Demian. « Je n'oserais pas, » répondit Hélène en baissant la tête avec un accent résigné. « Rien n'est plus aisé. Vous avez déjà joué en public ? » ?»« Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. » Plus ou moins, cela ne fait rien. L'essentiel est de pouvoir jouer en mesure et en présence d'étrangers. Vous avez du talent, m'a-t-on dit. La jeune fille rougit et regarda une tache noire qui se faisait remarquer sur le devant de sa jupe. « Je joue du piano comme je peux, » dit-elle. « C'est parfait. Je vous enverrai la musique. Vous travaillerez demain. Nous répéterons une première fois après-demain, une seconde fois vendredi ou samedi, et nous donnerons le concert dimanche. » Hélène ne parut pas troublée d'un délai si rapproché, mais elle laissa errer son regard autour de la salle. « Je n'ai pas de robe prête, » murmura-t-elle avec embarras. « Ma robe blanche n'est pas propre. »« Nous vous la laverons, mademoiselle, » cria la servante réjouie, qui apparut en ce moment à quatre pattes dans l'eau de savon, sur le seuil de la porte, une brosse à la main et ses cheveux sur les yeux. « On la lavera bien blanche. Ce n'est pas un coup de savon qui nous fait peur. » La tête ébouriffée disparut, et la brosse gratta le plancher avec frénésie. « Votre maman n'y mettra pas d'opposition ?» demanda poliment Demian. « Oh non, elle aime que je joue du piano devant le monde. Elle veut que je sois une artiste. »« Si vous m'assurez de son contentement, » dit Demian en se levant. « Attendez, je vais lui en parler, » fit rapidement Hélène. Elle se dirigea vers la porte et franchit si vivement la mare et le corps de la servante que personne ne put dire comment elle s'y était prise. Pendant que les trois visiteurs se regardaient en souriant, on entendit un pas pesant sur le plancher. « Tu es folle !» dit une voix somnolente. « De pousser toute ton eau dans le corridor !»« Hé, madame, où voulez-vous que je la mette ?» répliqua la servante en cessant de frotter. « Et toi, par où veux-tu que je passe ?» riposta la voix avec plus de vivacité. « Faites comme mademoiselle !» dit la grosse fille en riant. « Sautez ! Les messieurs aussi ont sauté !»« Saute !» fit la voix. « Essuie ça tout de suite !» La main rouge de la servante apparut avec un torchon, et soudain le liquide épars se précipita dans la salle, jusque sous les chaises des visiteurs, mais personne n'y prit garde. La maman de la petite Hélène entra et salua d'un signe de tête assez majestueux les trois hommes qui s'étaient levés. Sa fille s'était glissée derrière elle et resta debout. « Vous voulez ma fille pour vous accompagner ? » dit-elle à Demian. « Bonjour, monsieur Mosine, » ajouta-t-elle en aparté à l'adresse du fonctionnaire. « Si ce n'est pas impossible, madame, » répondit l'artiste, appelant à lui toute sa jeune science d'homme du monde. « Oh, c'est très facile, seulement elle n'a pas de robe. » « Puisqu'on vous dit, madame, qu'on la repassera, » fit la tête de la servante en se montrant dans la porte, mais cette fois à la hauteur de l'œil. « Alors c'est très bien. Vous jouez du violon ?»« Premier prix du conservatoire de Moscou, madame, » fit Demian avec modestie. Hélène rougit et parut troublée. Elle n'avait jamais joué avec un prix du conservatoire. Sa mère sourit, enchantée. « Prépare-toi bien, petite, » dit-elle. « Vous répéterez dans la salle du concert. » « Oh non, maman !» dit timidement Hélène. « Pas la première fois. »« Soit. Ici, alors. Après-demain, c'est entendu. » Les jeunes gens se levèrent et se trouvèrent dans la rue sans avoir eu à sauter. La grosse servante avait fait disparaître tous les encombrements. « N'est-ce pas qu'elle est drôle ?» dit Mosine, quand ils eurent fait quelques pas. « La maman ? Non, la fille. Je ne sais pas, je ne l'ai pas bien remarquée, » répondit Demian. « Elle ressemble à Madame Moutine. » fit Victor à demi-voix. « Mais sa robe était bien sale. »« C'est une maison comme ça, » répliqua philosophiquement le mélomane.